En agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les piétons sur la chaussée me voient arriver, ils ne représentent aucun danger immédiat. Je dois ralentir et au besoin m'arrêter afin qu'ils libèrent la chaussée, mais sans les agresser avec mon klaxon. Réponse B et C.